Hello chers auditeurs, ici Camille. Donc pour cette première émission littéraire, je vais vous proposer deux livres, un best-seller qui date un peu et un roman qui vient de paraître. Donc le premier roman, c'est American Psycho de Bret Easton Ellis, paru en 1991. Pour commencer, si vous ne connaissez pas donc l'histoire de ce roman, je vais vous lire le résumé. Patrick Bateman est un flamboyant yuppie de 26 ans, pur produit du Wall Street des années 80. Le jour, il donne l'illusion de travailler mais passe son temps à s'offrir parfums et vêtements de luxe. La nuit, il tue, viole, tronçonne et décapite ses proies. Dans les résumés qu'on trouve à chaque fois, Patrick Bateman, le protagoniste, est présenté comme un golden boy le jour et un serial killer la nuit. Donc forcément, quand on commence à lire le livre, on s'attend à avoir une série de meurtres. Le roman commence donc avec la vie de Patrick. Tout au long du livre, Patrick nous raconte directement sa vie. Et pendant toute la première moitié du livre, on va avoir la description de la vie superficielle de Patrick. Donc les dîners haute gastronomie avec ses collègues, des soirées en boîte de nuit branchées où ils passent leur temps à sniffer de la coke, sinon rien n'est bien. Et des longues conversations téléphoniques où il parle encore et toujours avec ses collègues ou sa fiancée qu'il n'aime pas pour savoir ce qu'ils vont porter ou ce qu'il faut porter avec un costume gris de telle ou telle marque, de tel ou tel autre gros couturier et dans quel restaurant ils vont bien pouvoir aller manger. C'est toujours les mêmes conversations sans intérêt qui reviennent. Mais on ne s'ennuie pas une seule seconde, justement. Parce que ce monde matérialiste et si superficiel garde vraiment le lecteur éveillé. Et surtout qu'on attend, parce qu'on voit Patrick, on voit ses excès dans certaines petites confidences de ses pensées qu'il écrit. On voit bien qu'il y a une pensée qui déborde, qui ressort de la normalité. Et on se demande si à la page d'après, il ne va pas se passer quelque chose. Quand il n'est pas avec ses collègues, eh bien Patrick va à la salle de musculation. Ou alors, il emprunte beaucoup de vidéos qui sont que des films porno ou des films d'horreur. Et justement, Patrick a des penchants pour l'horreur. Puisque donc, souvent, dans cette société où il faut être parfait, où il faut se distinguer tout en ressemblant à tous ceux qui nous entourent, puisqu'il est dans un milieu riche et classieux, il faut toujours réussir à se démarquer. Et Patrick a beaucoup de mal à se démarquer, justement. Tout le monde se confond avec tout le monde. Et à chaque fois que Patrick pense avoir gagné quelque chose et qu'il se rend compte qu'il a perdu, il est très frustré et a besoin d'évacuer cette frustration. Et la seule solution qu'il a trouvée, justement, donc, c'est le viol, le meurtre, la torture, voire le cannibalisme. On a tout un tas de meurtres qui nous sont ainsi décrits, plus ou moins sobrement, ça dépend desquels. Il y en a qui vont vite, il y en a qui prennent du temps, il y en a sur lesquels on revient. Le tout premier, il faut donc attendre la moitié du livre pour y arriver, c'est le meurtre d'un SDF dans une ruelle, d'un SDF et de son chien, parce que Patrick n'épargne pas non plus les animaux. Les victimes de Patrick sont toujours les mêmes. Il s'attaque aux pauvres, aux SDF donc, aux femmes, les prostituées et les animaux. Il y a certaines personnes, j'ai lu sur certaines critiques que certaines personnes avaient du mal à lire les scènes de torture et de meurtre, parce que bon, bah apparemment ils avaient du mal à continuer à lire ça sans décoller un peu les yeux du livre et de continuer. Personnellement, j'ai eu aucun problème. J'étais même scotchée dans ces scènes-là, tellement je les ai trouvées bien décrites et on se figure parfaitement ce qui se passe. C'est ça qui était super. Et c'est ça, justement, qui est vraiment intéressant. Enfin, c'est tellement bien décrit dans le sens que je me demandais, même si l'auteur ne l'avait pas... Je n'avais pas même testé ces méthodes-là pour aussi bien les écrire. Il y a des petites pointes comme ça, des petites touches qui rendent vraiment réel, des petits détails qui sont notés comme ça et qu'on se dit... Et tout le long du livre, en plus, il y a vraiment des moments où... Enfin, l'histoire joue beaucoup aussi avec ce qu'on pense, les conclusions que l'on fait, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire des conclusions tout au long que le livre avance. Et donc, de la même façon que tout au départ, ou en toute la première moitié, on a cru que Patrick avait des petites pensées racistes, misogynes, homophobes, mais qu'il ne faisait rien de mal, à partir de la moitié, on a compris qu'il se livrait à certaines pratiques, de plus en plus violentes, et qu'en effet, à partir de la moitié où les meurtres commencent, plus on se rapproche de la fin et de plus en plus de meurtres sont commis, et on entre de plus en plus dans la folie de Patrick. Il est difficile d'en réchapper. On assiste de moins en moins à sa vie réelle, à sa vie du jour, avec ses collègues, et donc de plus en plus avec ses pratiques sadiques. Et justement, donc on entre de plus en plus dans sa folie. Et la fin nous laisse les derniers mots. Le dernier mot du livre est sans issue. Il a beaucoup d'importance, évidemment. Et Patrick lui-même sait qu'il ne va pas bien. Il se confie dans ce livre et il essaye de se demander s'il est normal, si ce qui ne va pas, ce qui le pousse à agir ainsi. Il va même à se confesser à un moment à quelqu'un parce qu'il cherche une solution. Parce que Patrick sait qu'il ne va pas bien et qu'il meurt d'envie dans un sens de trouver une solution, mais qu'il est incapable d'y arriver parce qu'il est profondément seul, comme chaque personne dans ce livre. Parce que justement, ce livre, ce n'est pas simplement la vie de Patrick Bateman, la vie d'un psychopathe serial killer, mais c'est aussi une critique en général de la société individualiste qui nous pousse, et matérialiste, qui nous pousse à chercher la perfection, à être parfait aux yeux des autres, et qui nous pousse à obéir à plusieurs lois que l'on doit s'imposer et où l'on oublie son propre bonheur, à s'écouter soi-même. Et tout le livre, en général, amène à réfléchir à plusieurs niveaux. Donc non seulement sur cette société matérialiste et individualiste, ça c'est pour le côté critique du monde actuel, etc. Et il y a aussi la fin du livre qui se termine donc sur le mot sans issue, un peu en queue de poisson, où l'on se demande où est le reste du livre. On se dit que c'est pas possible, qu'il en manque, parce qu'on n'a pas justement de solution qui nous est amenée. Ceux qui connaîtront Bret Easton Ellis en général savent à quoi s'en tenir avec ses autres romans, donc parce que American Psycho est son troisième roman, les premiers étant Moins que Zéro, qui a été aussi adapté au cinéma, et Les Lois de l'Attraction, qui a aussi été adapté au cinéma. D'ailleurs, juste une petite aparté pour dire que dans Les Lois de l'Attraction, on retrouve le grand frère de Patrick, et d'ailleurs, le frère de Patrick fait une petite apparition dans American Psycho. Et donc, le livre se termine avec en nous laissant un doute. Avec toute la folie qui se ramène et des indices semés à droite et à gauche au fil des pages, on se demande si Patrick a réellement commis ces meurtres, oui ou non. Alors certains indices disent que oui, d'autres que non. Moi j'ai mon avis, je ne le dirai pas. Mais donc voilà, il y a toujours des gens qui pensent que oui, d'autres qui pensent que non. Il n'y a pas de réponse. Enfin si, parce que pour moi, comme mon avis... Moi, je suis persuadée que j'ai raison, donc c'est pour ça que je donne pas mon avis. Mais bon, en tout cas, il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. Dans les deux cas, peu importe donc si c'est bel et bien un serial killer ou si c'est simplement un psychopathe qui fantasme, Patrick est profondément malade et a profondément besoin d'aide. Et donc, moi, personnellement, ce personnage, je l'adore. Je le trouve pitoyable à souhait et j'ai juste envie de lui tendre mes bras et pour lui venir en aide. Alors qu'il y a d'autres personnes qui auraient certainement envie de l'abattre sur le champ. Moi, c'est pas mon cas. Et le livre a été adapté au cinéma où Patrick Bateman est joué par Christian Bale. Et donc, je vous le recommande parce que c'est un bon film. Et moi, je le trouve assez fidèle et je trouve que le film est fidèle au livre. Il n'y a pas tout, évidemment. C'est un film très sobre, justement, où toutes les scènes de tuerie ne sont pas à représenter. Mais justement, c'est bien équilibré, parce que de toute façon, le roman est long, et on sait très bien que dans un film, il y a forcément moins de détails que dans le roman dont il est tiré. Mais l'esprit est là, je trouve que c'est bien respecté, pour une fois. Enfin, je suis pas du tout déçue, je pourrais pas dire, je préfère le roman parce que on en a plus sur Patrick et j'ai envie d'en apprendre plus sur Patrick, mais on n'est pas déçu pour autant du tout. Si les gens qui n'aiment pas lire, eh bien ils pourront, et qui n'ont pas envie de lire des scènes de torture, peuvent toujours regarder le film et en arriveront de toute façon à la même conclusion. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Voilà, de toute façon on sait que Patrick ne va pas bien et on a des doutes toujours à la fin, et ça se termine aussi d'une façon très abrupte où on se dit, mais c'est pas possible, ils ont coupé trop tôt, il manque une scène. Et enfin, pour terminer, mon deuxième roman, que j'ai choisi, qui vient de paraître, qui s'appelle Du vent dans les veines, de Jean Chose. C'est un premier roman. Donc Jean Chose est un jeune auteur. Il a écrit ce roman donc à 18 ans. Donc il doit être un petit peu plus vieux maintenant, mais pas de beaucoup, puisque le roman vient de paraître. Alors je vous lis aussi le résumé. À Londres, un jeune garçon court après les fantômes. À Naples, un sans-abri s'éprend d'une jeune fille, alors que cette rencontre du vivant et de l'ancestral se fait le théâtre de la mort de l'innocence. C'est du fantastique. C'est une histoire de vampires. Alors ne pensez pas à une certaine saga très connue qui commence à nous casser les oreilles tellement on entend parler partout. Du coup, je ne citerai pas le nom, puisque vous savez de quoi je parle. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, vous devez vivre en plein désert ou dans un trou perdu, sans médias, et du coup, vous n'écoutez même pas cette émission. En tout cas, si vous n'en avez jamais entendu parler et que vous écoutez cette émission, vous ne savez pas la chance que vous avez. Bon, après, on aime ou on n'aime pas les vampires. Personnellement, je ne suis pas très amateur de ça, des films, des romans vampiriques, à part Entre vous et avec un vampire, qui est le seul film que j'ai apprécié avec des vampires. J'ai pas lu le livre. Ou les livres, il y en a plusieurs. Mais justement, là, il y a un côté réaliste, on va dire. Donc ce sont deux histoires, comme le résumé le montre, à Londres, Naples. Il y a deux histoires en parallèle qui finissent évidemment par se rejoindre. Donc la première histoire, donc à Londres, c'est donc un lycéen et son grand copain qui rencontrent une fille qui est un vampire. Et à Naples, donc, un vampire SDF complètement déconnecté de la réalité, qui ne sait même pas, qui sait à peine à quelle époque nous sommes. Puisque c'est un vampire, il vit très longtemps. Alors ça, là, ça fait des centaines d'années qu'il erre comme ça. Et qui un jour va rencontrer une jeune fille qui va le réveiller de sa léthargie et qui va le ramener au monde actuel. Et donc ces deux histoires vont finir par se retrouver. Donc pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre? Parce que j'ai rencontré l'auteur à un salon et qu'il était fort sympathique et que du coup je lui ai pris son bouquin. C'est agréable à lire, je veux dire le style me plaît beaucoup. L'entrelacement des deux histoires, on passe d'un chapitre sur l'un, un chapitre sur l'autre, etc. Ça fait qu'on avance donc avec égalité dans les autres. Et justement, on voit bien le parallèle et ça aide à avancer dans l'intrigue. Le seul petit truc, justement, moi, qui me gêne, en lisant le résumé et en commençant à lire, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas quel est le fil rouge exactement. Bon, voilà, une fois qu'on arrive à la moitié et qu'on a compris qu'il y avait un lien entre la première histoire et la seconde histoire, bon, dans un sens, on peut très bien s'en douter, parce que sinon, il n'y aurait pas de raison qu'elle soit comme ça en parallèle. Donc voilà, il faut attendre la moitié quand même pour qu'on se dise « Ah, donc c'est comme ça, donc on va. » On sait à quoi s'en tenir et on sait ce qu'on attend. Mais voilà, donc pendant la première moitié, on ne sait pas ce qu'on attend. Et ça, bon, j'ai tendance souvent à lire des livres d'aventure, donc forcément, c'est en général des quêtes où on avance, etc. Donc on sait où l'on va. Enfin, on sait très bien dès le départ que les héros vont dans telle direction, tandis que là, bon, on est un peu avec des paumés. Hein. Ce sont à Londres, ce sont des jeunes ados qui font de la fumette, etc. Et à Naples, bon, par contre, c'est beaucoup plus propre. Le vampire SDF est plein de bonnes intentions. C'est un gentil vampire, on va dire, même si il se nourrit du sang d'humains et d'animaux un peu aussi. Donc, ce n'est pas un très long roman. Il fait 300 pages. Se lit très vite, donc justement, comme je l'ai dit, le style est simple et fluide, avec des jolies tournures, et enfin vraiment, le style n'est pas du tout lourd, et on se laisse porter. Enfin bon, en général, dans n'importe quel livre, moi, peu importe ce que je lis, c'est le style qui compte, et que après, peu importe l'histoire, dans le sens où je suis pas très regardante sur l'histoire, du moment que c'est une bonne histoire, bah, on accroche. Mais c'est juste que je ne cours pas après le fantastique vampirique en général. Quelques répétitions parfois qui m'énervent un peu, mais je pense qu'elles sont voulues, j'espère. Donc je peux vous inviter à... J'encourage les nouveaux auteurs, donc je ne peux que vous inviter à lire ce livre. Donc je rappelle le titre, Du vent dans les veines, de Jean Chose, qui a un site internet. Sur son site internet, il y a plusieurs écrits à lire, des nouvelles, etc., des petites choses qu'il a écrites. Donc voilà, vous pourrez vous rendre compte à peu près de son style. Et vous dire, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin avec cet auteur? Vous verrez. Donc c'est sur ça que je vais terminer cette première émission. Donc voilà, American Psycho de Bret Easton Ellis, dont tous les romans sont des best-sellers. Et donc, Du vent dans les veines, de Jean Chose, nouvel auteur. Donc aux éditions Velours. Merci de m'avoir écouté, et à une prochaine peut-être.